السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تحصى. نحمد الله تبارك وتعالى على أن هيأ لنا مثل هذا المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ونحمده عز وجل. ثم بعد ذلك لا يفوتنا أن نشكر جميع المسؤولين الإخوة الذين أحسنوا الظن بأخيهم لتنسيق هذه الكلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم من المتقين الهداة المهتدين المصلحين. أيها الإخوة، هذا اللقاء كما عرفتم أعلن له بأنه لقاء في تفسير سورة الفاتحة وإطلاق كلمة تفسير على هذه المشاركة المتواضعة فيه نظر. التفسير شيء عظيم لا يتكلم فيه أو لا يتطرق له إلا أهل العلم، وإنما دورنا أن نحاول أن نوصل ما قد جمعه أهل العلم في مثل هذا الموضوع المهم العظيم. أيها الإخوة، قد أخرج الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان أبو سعيد رضي الله عنه يصلي، وناداه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكمل صلاته ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت في صلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم أخذ بيده وقال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فانصرف إلى مخرج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيد أبي سعيد رضي الله عنه. فعند خروجه من المسجد قال له أبو سعيد: ألم تقل لي إنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، مشيرا صلى الله عليه وسلم إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذه السورة معشر المسلمين أعظم سورة في القرآن، كما جاء في ذلك هذا الحديث الذي سمعتموه الآن. فسورة الفاتحة سورة عظيمة، بل هي أعظم سورة في القرآن. وسورة الفاتحة هي السبع المثاني، كما جاء ذلك في الآية التي سمعتموها من سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، وتعدد أسماء هذه السورة يدل على عظمها وعلى عظم شأنها وعلى مكانتها العالية. فهي الفاتحة، وهي فاتحة الكتاب، وهي سبع المثاني، وهي الشافية، وهي رقية، وهي الكافية، وهي الأساس، إلى آخره. وكثرة هذه الأسماء تدل على عظم هذه السورة، وقد تقدم أنها أعظم سورة في القرآن. معشر المسلمين، من أسماء هذه السورة أم القرآن. فسورة الفاتحة هي أم القرآن. لماذا؟ لأن أم الشيء هو الأمر الذي يرجع إليه هذا الشيء كله، هذا هو الأم. لذلك سميت الوالدة أما، تقول للوالدة الأم. لماذا؟ لأن الأصل الذي يرجع إليه من بعدها. فسورة الفاتحة هي أم القرآن، لأنها اشتملت على مضامن القرآن، وذلك على وجه الإجمال. وأما ما ستجده في كتاب الله تبارك وتعالى فهو يعتبر تفصيلا لما أجمل في سورة الفاتحة. وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما مر على مسامعكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أبو سعيد بوعده، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختبر حرص ذاك الصحابي رضوان الله عليه، ففعلا أبو سعيد رضي الله عنه قبل أن يخرج من المسجد ذكره وقال له إنك وعدتني بأنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فسمى الفاتحة القرآن العظيم، لماذا؟ لأن الفاتحة كما تقدم تشتمل إجمالا على مضامن القرآن كله، فهي أم القرآن. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القرآن العظيم. فلذلك من المناسب جدا أن تتفقه في معاني هذه السورة ليكون لك تصور لما ستجده فيما بعد عند قراءتك وتدبرك لكتاب الله تبارك وتعالى. فإن العلم هكذا يبدأ فيه بكليات، وبعد ذلك ينطلق المتعلم من كليات إلى تفاصيل شيئا فشيئا. والعلم هكذا والتعلم كذلك، شيئا فشيئا تحصل اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فشيئا فشيئا تتعلم وتزداد علما، تنطلق من كلية إلى تفصيل شيئا فشيئا حتى يصبح لك علم يقربك إلى الله تبارك وتعالى. Chers frères, après avoir introduit cette modeste participation par les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de lui demander pardon et de lui demander son aide et de lui demander la protection également contre le vice de nos personnes et de nos mauvaises actions, après avoir affirmé que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Vous avez eu l'occasion d'entendre quelques versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de réciter lors de certaines occasions importantes, notamment le verset dont la traduction approximative du sens est « Ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en état de soumission. » Également le verset « Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci son épouse et qui a diffusé à partir d'eux beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom de qui vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Ainsi que le verset « Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et proférez de bonnes paroles. Il réformera votre situation, vous pardonnera vos péchés, et quiconque obéit à Allah et son messager a certes connu la grande réussite. » Ceci dit, le meilleur des discours, c'est la parole d'Allah. La meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont celles nouvellement inventées en religion. Et toute chose nouvellement inventée en religion est un égarement, ou plutôt est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ceci dit, j'ai eu l'occasion d'exprimer les louanges qu'on doit adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, également le fait de le remercier pour ses nombreux bienfaits indénombrables. Parmi ces nombreux bienfaits, le fait qu'il nous ait réunis aujourd'hui dans cette mosquée, et nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous de ceux qui sont visés par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah afin d'y réciter le Coran ou de l'étudier entre eux sans que ne descende sur eux la quiétude et que la miséricorde ne les englobe et que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs et de sa grâce. On lui demande, Azza wa Jal, de nous compter parmi ceux-là. Après cela donc, n'avait pas manqué de remercier nos frères responsables qui ont organisé cette rencontre afin qu'on se réunisse, afin d'étudier ensemble certains points de notre noble religion qui n'est autre que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette assise donc elle a été annoncée comme étant donc le tafsir de sourate al-Fatiha. Peut-être que le mot tafsir, même certainement, c'est un grand mot. Et le tafsir en tant que tel, ce ne sont que les savants, les ulama, spécialistes en la matière, qui se prononcent dans cela. Quant à nous, ce que nous pouvons faire entre nous, c'est de nous rappeler ce qu'ils ont pu mentionner justement concernant l'explication de tel ou tel verset, de tel ou tel sourate, afin d'essayer de profiter entre nous de certains de leurs enseignements, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'ils préservent ceux qui sont encore vivants parmi eux. On va donc essayer ensemble d'aborder certains points de la sourate d'Al-Fatiha. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a rapporté dans son recueil authentique d'après Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, qu'Allah l'agré, qu'il était un jour dans, c'est-à-dire Abu Sa'id, dans la mosquée, et il était en train de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Mais Abu Sa'id a dit, j'ai d'abord achevé ma prière, puis je me suis rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en m'excusant du fait que j'étais en prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, Allah n'a-t-il pas dit, ô vous qui avez la foi, obéissez ou répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Sa'id, je vais certes t'enseigner la plus éminente des sourates du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée. Puis, il l'a pris par la main, sallallahu alayhi wa sallam, et il était en train de se diriger avec lui vers la sortie de la mosquée lorsque Abu Sa'id radiyallahu anhu lui a dit ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne m'as-tu pas promis que tu allais m'enseigner la plus éminente sourate du Coran avant que nous ne sortions de la mosquée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire alors alhamdulillahi rabbil alamin, c'est-à-dire le premier verset, comme on va le voir, le premier verset de sourate al-Fatiha. C'est là les sept répétés et le Coran glorieux qui m'a été attribué. Tu retiens donc de ce hadith la place importante qu'occupe cette sourate dans la religion, la place importante qu'occupe cette sourate au sein même du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu retiens également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé les sept répétés. Il a appelé de la sorte en référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Hijr, dont la traduction approximative du sens est « Et nous t'avons certes accordé les sept répétés, ainsi que le Coran glorieux. » Et les sept répétés, ici, ça désigne la sourate d'Al-Fatiha, comme nous l'avons vu dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie des nombreux noms de la sourate d'Al-Fatiha. Et le grand nombre de noms dont elle dispose prouve justement et montre et met en avant, met en évidence l'importance et la place qu'elle occupe dans cette religion. Et l'éminence de cette sourate, qui est la plus éminente sourate du Coran. Comme nous l'avons vu dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a de nombreux noms. Parmi ces noms, donc, il y a Al-Fatiha. Le prologue. Parmi ces noms, il y a As-Sab'ul Mathani. Les sept répétés, étant donné qu'elle est répétée dans chaque prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, volontaire. Également, parmi ces noms, tu trouves Al-Ruqya, c'est-à-dire la lecture incantatrice, du fait qu'on est amené à lire la sourate d'Al-Fatiha lors des Ruqya, lorsque tu lis sur ta personne ou que tu lis sur quelqu'un d'autre, afin de le guérir d'une maladie physique ou mentale ou toute autre maladie liée par exemple au djinn, par exemple. Également, tu trouves que parmi ces noms, tu as Al-Kafiya, la suffisante. Parmi ces noms, tu as Al-Shafiya, la guérisseuse. Et parmi ces noms, il y en a d'autres. Parmi ces noms, il y a Ummul Qur'an. Ummul Qur'an, le terme Umm, il désigne la base d'une chose, vers laquelle cette chose va par la suite revenir. La base fondamentale d'une chose, vers laquelle cette chose-là va revenir. C'est pour cela que, en arabe, tu appelleras une mère de famille, Al-Walida, tu vas l'appeler Al-Umm. Pourquoi ? Parce qu'elle est la base du foyer. Et qu'ensuite, le restant du foyer, donc, y revient. C'est pour ça qu'elle est appelée Umm. La Fatiha, donc, c'est Umm al-Qur'an dans le sens où elle est la base fondamentale du livre. Par contre, me concernant, je m'abstiendrai de la traduire, comme on peut le trouver parfois, par la mère du Coran, par crainte que cela n'implique un mauvais sens, et du fait que ce n'est pas cela qui est exactement voulu par le terme ou par l'expression « Umm al-Qur'an ». Donc on dira plus la base fondamentale du livre. « Wallahu a'lam » et « Allah est plus savant ». La sourate d'Al-Fatiha, elle a donc été appelée Umm al-Qur'an du fait qu'elle est la base du livre. Dans quel sens ? Dans le sens où tout ce que tu vas trouver de manière détaillée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans le restant du Coran, tu vas le trouver mentionné de manière globale dans la sourate d'Al-Fatiha. Tu vas trouver mentionné de manière globale dans la sourate d'Al-Fatiha ce que tu vas par la suite trouver de manière détaillée et développé dans le restant du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour cela que la Fatiha a été appelée par Allah, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Hijr, al-Qur'an al-Azim, le Coran glorieux. Alors qu'en vérité, elle ne représente qu'une partie du Coran glorieux. Mais en vérité, elle a été appelée ici le Coran glorieux du fait qu'elle réunit en elle l'ensemble des sens que tu vas trouver dans ce Coran, et ce, de manière globale. Et ensuite, pour les détails, donc, tu vas revenir au restant du livre, ce qui va lui-même être détaillé par la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu veux bien comprendre cette chose-là, comme on va peut-être avoir l'occasion de le voir par la suite, incha'Allah ta'ala, il faudra impérativement que ce soit fait à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, As-salaf as-salih, rahimahumullah. Et ici donc, tu tires comme enseignement quelque chose d'important en termes d'apprentissage. Car nous aspirons tous à apprendre notre religion. Reste à savoir comment le faire. Les gens de science disent que pour apprendre quelque chose, il faut que tu commences par avoir une vue globale de cette chose-là. Cette vue globale, par la suite, tu vas l'affiner petit à petit et tu vas apprendre petit à petit en partant de principes généraux et petit à petit en détaillant ces principes généraux pour rentrer donc dans les détails de la chose que tu es en train d'apprendre. Tu vas apprendre et comprendre le Coran, tu vas donc commencer par en connaître ces principes généraux, les grands principes du Coran, les grandes finalités recherchées dans le Coran. Et ensuite, tu vas affiner ces connaissances-là en approfondissant tes connaissances. Ces principes de base, tu les trouves dans la sourate d'Al-Fatiha. Ces principes de base, tu les trouves dans la sourate d'Al-Fatiha. Également, en termes d'apprentissage, il est important que tu procèdes par étapes, ce qu'on appelle tadarruj, en partant du principe, comme on a mentionné tout à l'heure, al-yawma ilmun wa ghadan mithluhu min nukhab al-ilm allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikmatan wa innama as-sayl ijtima'u an-nuqat. Aujourd'hui de la science et demain encore un peu, parmi les perles de science que l'on peut récolter, par lesquelles l'individu obtient une certaine sagesse, et au final, en vérité, le torrent n'est qu'un ensemble de gouttes. En français, la rime, elle est partie. Mais ce qui était voulu ici, il est resté. À savoir, le fait d'apprendre par étapes, petit à petit. Un jour, aujourd'hui de la science, et demain encore un peu, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies plus de connaissances et que tu puisses donc atteindre quelque chose par lequel tu obtiendras l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission. Hadhihi sura, suratul Fatiha, suratun makkiyya. هي سورة مكية بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والدليل على ذلك الآية التي سبق ذكرها من سورة الحجر وهي قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طيب ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ وجه الاستدلال بهذه الآية أنها آية مكية، يعني سورة الحجر سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذه الآية من سورة الحجر تذكر أو تتحدث عن شيء مضى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والسبع المثاني كما تبين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سعيد ابن المعلى، نعم السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، فكون سورة الحجر سورة مكية يدل على ماذا؟ يدل على أن الفاتحة سورة مكية كذلك. ونستفيد كذلك من هذه الآية الكريمة، أعني الآية التي سمعتموها من سورة الحجر، نستفيد منها أن الفاتحة سبع آيات، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. أهل العلم كلهم مجمعون على أن سورة الفاتحة سبع آيات، ثم اختلفوا في عد هذه الآيات، فجمهور أهل العلم على أن أول آية في سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وعليه فالآية الأولى من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة وهي الأخيرة ما هي؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا على قول الجمهور، جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. وأما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهو كالتالي: يرى هذا المذهب أصحاب هذا المذهب أن أول آية في سورة الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه فالآية الأولى عندهم بسم الله الرحمن الرحيم، والثانية الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية الأخيرة هي عند الجمهور آيتان، وعند أصحاب هذا المذهب رحمهم الله تعالى آية واحدة أطول. ولعلنا نختار ونمشي على القول الأول، لعلنا نمشي في هذه الكلمة المتواضعة على المذهب الأول، فنبدأ بالحمد لله رب العالمين. مما يؤكد هذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث قدسي، وهو حديث قدسي، أن الله تبارك وتعالى، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا يدل على اسم آخر من أسماء الفاتحة وهي الصلاة، فقد سميت الفاتحة بالصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث مما يرجح قول الجمهور من أن سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، ونحن إن شاء الله نمشي على ذلك في هذا المجلس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. وهذا الذي سنقدمه كأنه لا شيء، وهو قطرة من بحر، أحد أعلام هذه الأمة في هذا الزمان لما فسر سورة الفاتحة وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أحد العلماء الربانيين، لما فسر هذه السورة قال: وكأن هذا قطرة من بحر، فإذا كان هذا العالم رحمه الله تعالى يقول ذلك فما لنا أن نقول في مثل هذا المقام؟ إذا قال هو أن الذي قدمه قطرة من بحر فما أدري ماذا سنقدم نحن، ولكن نحاول والله المستعان. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن آية واحدة من هذه السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين في كتاب كامل، وهذه النسخة مضغوطة شوية والخط صغير. إذا اقتنيت طبعات أخرى لهذا الكتاب تجده ممكن في مجلدين ولا في ثلاثة. كل ذلك في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين رحمه الله. On a cité à plusieurs reprises, chers frères, un verset de Sourate Al-Hijr. Ce verset, la traduction approximative de son sens est la suivante. Allah donc s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, la traduction approximative du sens de sa parole, et nous t'avons accordé les sept répétés ainsi que le Coran glorieux. Et nous avons vu, hafizakumullah, nous avons vu dans le hadith de Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, nous avons vu que ça désigne Al-Fatiha. On comprend donc de ce verset, hafizakumullah, que cette sourate, elle comprend combien ? Sept versets. Et ça, c'est objet, ou c'est sujet, c'est objet d'unanimité chez les ulama. Ils sont unanimes sur cette chose, sur le fait que la sourate d'Al-Fatiha, elle comprend sept versets. Pas six, pas huit, mais bien sept. Sept versets. Également, et on va revenir sur ça, également, cette sourate, elle nous prouve, ou ce verset, il nous prouve que la Fatiha, c'est une sourate mécoise. Qu'est-ce que c'est qu'une sourate mécoise? Et qu'est-ce que c'est qu'une sourate méginoise? Une sourate mécoise, c'est une sourate qui a été révélée avant l'émigration, avant l'égir. Vous n'êtes pas sans savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans après l'avènement de sa prophétie, il a émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Tout ce qui a été révélé du Coran avant cet événement-là, c'est considéré comme étant mécois. Et tout ce qui a été révélé après l'émigration, après la Hijra, c'est considéré comme étant méginois, même si ça a été révélé à la Mecque. Par exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة. Aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion et vous ai comblé de mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Ce verset est descendu quelques mois avant la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafa. Naam. Elle est donc descendue à la Mecque. Pourtant, elle est considérée comme étant méginoise. Pourquoi ? Parce que ce qui est pris en considération, c'est la période. Et étant donné que c'était après l'émigration vers Médine, alors elle est considérée comme étant méginoise. Quant à la sourate d'Al-Fatiha, elle est bel et bien mécoise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a fait référence dans un verset qui fait partie d'une sourate qui est elle-même mécoise, à savoir la sourate Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction approximative du sens de sa parole, et nous t'avons attribué les sept répétés, c'est-à-dire la Fatiha, ainsi que le Coran glorieux, qui désigne également ici la Fatiha. Donc il mentionne dans ce verset-là quelque chose qui est déjà passé. quelque chose qui est déjà passé. Ce qui nous montre donc clairement que la sourate d'Al-Fatiha, c'est une sourate qui est mécoise. Et nous avons vu donc toujours à la base de ce verset-là qu'elle comprend sept versets et que les ulama sont unanimes à ce sujet-là. Par la suite, ils ont divergé. Rahimahumullah, Allah leur fasse miséricorde. Dans la manière de dénombrer ces différents versets, ces sept versets. La majorité des ulama est d'avis que le premier des versets de cette sourate, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah, Seigneur des mondes. En se basant sur cela, ils ont considéré donc que le premier verset c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen, que le deuxième c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, que le troisième c'est Maliki Yawmiddin, le quatrième Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, le cinquième Ihdina Sirat Al-Mustaqim, le sixième Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim, et le septième et dernier Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Walad-Dallin. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a adopté un autre avis. Et il a considéré, ainsi que ceux qui ont adopté son avis dans ce sujet-là, que la sourate d'Al-Fatiha, elle commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et que donc ce que l'on appelle Al-Basmala fait partie de la Fatiha. À partir de là, donc ils ont considéré que le premier verset c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Le deuxième c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Le troisième, Ar-Rahman Ar-Rahim. Le quatrième, Maliki Yawmiddin. Le cinquième, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Le sixième, Ihdina Sirat Al-Mustaqim. Et le septième, Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim, Ghayri Al-Maghdubi Alayhim, Walad-Dallin. Septième et dernier verset, donc selon l'imam Shafi'i, rahimahullah, et ceux qui ont adopté son avis, et on constate que donc, ici, ce septième verset est plus long, étant donné que il correspond à deux versets selon l'avis de la majorité des ulama. Et d'ailleurs, cette chose-là, elle explique le fait que tu trouves parfois dans certains exemplaires du Coran, tu trouves parfois le chiffre 1 qui fait suite à la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire que ceux qui ont imprimé cet exemplaire-là se sont basés sur l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et si ce n'est pas le cas, qu'ils ne mettent pas le chiffre 1 lié à la basmala, c'est qu'ils sont de l'avis de la majorité. On va se baser sur l'avis de la majorité concernant cette modeste conférence. En mentionnant un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Abu Huraira, qui est un hadith qu'on appelle divin. Hadith divin, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur. Naam. Ce hadith, il va faire prévaloir l'avis justement de la majorité. Il a appuyé le fait que le premier verset c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen, et également ça va être une occasion de plus de montrer le mérite de cette sourate qui est la sourate d'Al-Fatiha, et de mentionner un autre nom parmi les nombreux noms de cette éminente sourate. Ce hadith, il est donc rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique et d'après Abu Huraira, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla a dit, j'ai divisé la prière, as-salat, entre moi et mon serviteur en deux parties. Et donc, on voit qu'ici, as-salat, ça désigne la Fatiha. C'est donc un nouveau nom. En tout cas, pour nous aujourd'hui, c'est un nom qui est connu depuis bien longtemps, mais pour nous aujourd'hui, donc un autre nom, on va dire, parmi les noms de Surat al-Fatiha, as-salat. J'ai divisé as-salat, la prière, entre moi et mon serviteur en deux parties. C'est ainsi que lorsque le serviteur lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur a fait ma louange, a proclamé ma louange. Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit, mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque le serviteur lit Maliki Yawmiddin, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur lit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et lorsque le serviteur lit Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim, wala ad-dallin, Allah dit, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Donc tu remarques ici, dans ce hadith, que le premier verset qui est mentionné, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce qui fait prévaloir l'avis de la majorité des ulama que nous avons exposé de manière résumée précédemment. Donc on va se baser sur ça durant ces quelques instants que l'on va passer ensemble, na'am, tout en sachant que tout ce qu'on pourra faire, ça ne représentera en vérité qu'une goutte dans un océan. Tout enseignement qu'on pourra mentionner dans ces quelques assises concernant la sourate al-Fatiha, ça ne représentera qu'une goutte dans un océan. Comment en serait-il autrement, alors qu'il en est parmi les grands ulama de cette communauté? C'est le cas notamment du Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, qui, lorsqu'il commente et explique cette sourate, et qu'ils achèvent l'explication de cette sourate, ils disent, et tout ce que nous venons de présenter en vérité, ce n'est que l'équivalent d'une goutte dans un océan. Si un grand savant en arrive à dire cela, qu'en est-il de petites personnes comme nous qui ne présenteront certainement pas ne serait-ce que un centième de ce que les ulama rahimahumullah ta'ala ont pu présenter. Je montrais précédemment ce livre intitulé Madarij al-Salikin, et nous allons avoir l'occasion plus tard inshallah d'en aborder un petit passage. Il a été écrit par le grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et il concerne un seul verset parmi les versets de la sourate al-Fatiha, qui n'est autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Tout ce livre donc pour parler de ce seul verset. Et comme je le disais, c'est une édition qui est, dont l'écriture est petite, na'am, qui a été condensée. Tu peux le trouver parfois dans deux, voire trois volumes. Tout ça pour parler uniquement de Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Yarhamuk Allah. Fallahu al-musta'an. Nasala subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadad. Fa'awwalu ayatin fi hadhihi surah, قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والحمد هو الوصف وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فنصف الله تبارك وتعالى بالكمال ولكن هذا الوصف ليس هو وصفا مجردا هكذا وإنما هو وصف بالكمال مع المحبة لله تبارك وتعالى والتعظيم وهكذا المؤمن يحمد الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يصفه بالكمال مع المحبة والتعظيم المؤمن يحب الله تبارك وتعالى، المؤمن يعظم الله تبارك وتعالى، فعند وصفه له سبحانه وتعالى بالكمال يمتلئ قلبه بالمحبة لله تبارك وتعالى والتعظيم له، والتعظيم له جل جلاله. فالحمد لله، الله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد عرفه حبر هذه الأمة وبحرها ابن عباس رضي الله عنهما بتعريف هو أجمع تعريف وأحسن وأجمل، فقال فيما نقله عنه ابن جرير الطبري في تفسيره المشهور: الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله هو ذو العبودية وذو الألوهية على خلقه أجمعين، بمعنى أنه سبحانه وتعالى المستحق لأن يعبده خلقه أجمعون، وأن يتعبد خلقه كلهم له سبحانه وتعالى، هو المستحق لذلك. فالله اسم، وقيل هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الاسم العظيم يستلزم جميع معاني الأسماء الحسنى الأخرى، وهو يدل عليها بالإجمال، كما أن هذه الأسماء الحسنى كلها تعتبر تفصيلا لمعاني هذا الاسم العظيم. الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا المعنى الجليل العظيم يستلزم جميع معاني الأسماء الحسنى الأخرى، وهذه الأسماء تعتبر تفصيلا لمعاني هذا الاسم الكريم لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرب اسم آخر من أسماء الله تبارك وتعالى، يدل على صفة الربوبية، والربوبية صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى له أسماء، يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله صفات كذلك، وكل اسم يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالرب يتضمن صفة الربوبية والرب يشتمل على ثلاثة معاني: الخلق، رب لا يكون ربا إلا إذا اجتمع فيه هذه المعاني الثلاثة، هذه الصفات الثلاثة: الخلق، والملك، والتدبير. الخلق والملك والتدبير، وهذه الصفات الثلاثة مجتمعة في حق الله تبارك وتعالى، فهو رب العالمين، فهو الخالق، وهو المالك، وهو المدبر لشؤون خلقه أجمعين، فهو رب العالمين. والعالمون جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، والعالمون كثيرة، العالمون كثيرة: عالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الملائكة، وعالم الحيوان، وعالم مثلا الحيوانات والنباتات والنجوم والبحار والجبال والأنهار إلى آخره. هذه العوالم كثيرة جدا، والله تبارك وتعالى رب العالمين. ففي هذه الآية الحمد لله رب العالمين نجد اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى: الأول الله، وقد تقدم ذكر معناه، والثاني الرب، وقد تقدم كذلك. ففيه أيضا صفتان من صفات الله تبارك وتعالى: الصفة الأولى الألوهية، والصفة الثانية الربوبية. وأخذنا هذا من خلال قراءة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، فأنت تجد في هذه الآية أقسام التوحيد الثلاثة. في هذه الآية، أول آية في القرآن، تجد فيها أقسام التوحيد الثلاثة، وبالتالي تجد ردا مفحما على كل من رمى علماء السنة بأنهم ابتدعوا هذا التقسيم، فإن هذا التقسيم موجود في أول آية من سورة الفاتحة، في أول آية من أول سورة من سور كتاب الله تبارك وتعالى. وسنرجع إن شاء الله إلى هذا التقسيم بإذن الله. On a donc commencé ici avec le premier des versets. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. La louange, qui est une traduction approximative du terme Alhamd, ça désigne ici le fait de décrire celui dont on fait les louanges par la perfection. Tu le décris comme étant parfait. Et ce, avec amour et en affirmant et en proclamant sa grandeur et son immensité. Donc Alhamd, c'est quelque chose qui comprend et qui inclut tous ces sens éminents. Le fait que tu décrives celui de qui tu fais les louanges, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ici, que tu le décrives par la perfection, et ce, par amour, tout en affirmant et en proclamant sa grandeur et son immensité. Ce qui signifie que le croyant, lorsqu'il lit ce verset, le croyant, lorsqu'il adresse les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait en le décrivant de la meilleure des manières, en lui attribuant toute manifestation de la perfection, en lui accordant la perfection, en le décrivant par la perfection. Et ce, par amour, le cœur rempli d'amour. Le croyant, il a le cœur empli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, en ayant dans le cœur et en affirmant avec sa langue et avec ses membres l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui obéissant et en s'écartant de sa désobéissance. Pourquoi ? Car il considère Allah plus grand que tout. Certains parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté ont dit : ne regarde pas la petitesse du péché que tu viens de commettre, mais considère plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Ne considère pas, ne regarde pas la petitesse du péché que tu viens de commettre, mais considère plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Le croyant, il a cette chose-là dans le cœur et ça se manifeste dans ses paroles, ça se manifeste dans ses actes. Et on va revenir sur ce point, bi-idhnillah. Alhamdulillah, les louanges sont à Allah. Allah, c'est un nom parmi les noms du Seigneur que nous adorons, subhanahu wa ta'ala. Et il est même considéré par un grand nombre de ulama comme étant le nom d'Allah le plus éminent, dans le sens où, lorsque Allah est invoqué par le biais de ce nom, il exauce. Et lorsque il lui est demandé par le biais de ce nom, il attribue. Ibn Abbas, le grand docte de cette communauté, l'océan de science qu'était Ibn Abbas, a dit, comme cela a été mentionné par Ibn Jarir al-Tabari dans son exégèse connue, il a dit: Allah, c'est celui qui détient le droit d'être adoré et le droit d'être divinisé par l'ensemble de sa création. Allah, c'est celui qui détient le droit exclusif d'être adoré, d'être divinisé par l'ensemble de sa création. Et c'est là une des meilleures définitions qui a été donnée de ce nom que nous venons de mentionner. Ce nom-là, il inclut en lui, il comprend en lui, de manière globale, l'ensemble des sens que tu vas trouver par la suite dans les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez qu'Allah, il a les noms les plus beaux. Il a dit dans son noble livre: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par le biais de ces noms. Le nom Allah, il comprend en lui l'ensemble des sens, et ce de manière globale, l'ensemble des sens inclus dans les autres noms qu'il détient, subhanahu wa ta'ala. Et ces mêmes noms-là, ils incluent en eux, ou ils constituent, au final, un détail des sens que tu vas trouver de manière globale dans l'essence inclue dans le nom Allah. Rabbul Alamin, Seigneur des mondes. Al-Rab, c'est un autre nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui inclut un autre attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rab, on va le traduire de manière approximative comme étant le Seigneur. Et ça inclut donc l'attribut de la seigneurie. Al-Rab en arabe, ça inclut l'attribut de Al-Rububiyya. Al-Rab en arabe, ça inclut trois sens, trois attributs. Le premier de ces attributs-là, c'est l'attribut de la création. Le deuxième de ces attributs, c'est l'attribut de la royauté. Et le quatrième, c'est l'attribut du fait de diriger tout ce qui a trait à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces trois principes, ces trois sens, ces trois attributs sont réunis concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le créateur. Allah, il est le roi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui dirige l'ensemble des affaires de sa création subhanahu wa ta'ala. Les mondes, qui est la définition approximative du terme Al-Alamin. Al-Alamin, c'est le pluriel de Al-Alam. Al-Alamin, ça désigne donc les mondes. Les mondes, ce qui est voulu ici, c'est tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur de tout cela. De l'ensemble des mondes, dans leur diversité, dans leur grand nombre, le monde des hommes, le monde des djinns, le monde des anges, le monde des animaux, le monde des plantes, le monde des montagnes, le monde des mers, le monde des fleuves, des rivières, des torrents. Parmi les mondes qui concerne les animaux, le monde des animaux terrestres, le monde des poissons, le monde des oiseaux, et rajoute à cela le monde des étoiles. Autant de mondes qui sont concernés donc par ici Al-Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabbul Alamin. Il est le créateur de tout cela, il est le roi de tout cela, et il est subhanahu wa ta'ala, celui qui dirige les affaires de tout cela. Il est Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. On a donc vu dans Hafidhak Allah wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a vu dans ce seul verset, le premier verset de cette sourate, qui, comme vous le savez, donc, est la première sourate du Coran. On a vu ici déjà donc deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie qu'on a déjà commencé à voir ce qu'on appelle Tawhid al-Asma wa Sifat. Le fait d'affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Et on a vu à travers les deux noms qu'on a vus l'attribut de Al-Uluhiyya, ce qui signifie l'attribut du mérite exclusif d'être divinisé ou d'être adoré. Donc tu retrouves Al-Uluhiyya. Et c'est là donc une autre branche parmi les branches du Tawhid. Et également on a vu, à travers le nom Ar-Rabb, on a vu l'attribut de Al-Rububiyya, la seigneurie, qui constitue donc une troisième branche parmi les trois branches du Tawhid. Le Tawhid, comme on va le voir de manière plus détaillée, Inch'Allah, c'est, il a trois branches. Dans la seigneurie, dans les noms et attributs et dans l'adoration, dans le droit exclusif d'être adoré ou divinisé. Naam. Et tu retrouves ces trois branches-là, ou ces trois types de tawhid-là, si tu préfères l'exprimer de cette manière-là, tu les retrouves dans ce premier verset de la première sourate du Coran. Et tu retrouves par là même une réplique à ceux qui accusent les gens de la sunna, qui accusent les ulama de la sunna d'avoir innové, d'avoir inventé cette classification. En vérité, les ulama de la sunna, ils n'ont fait que mettre en avant une réalité qui est de mise dans l'ensemble du Coran. Et dans plusieurs versets, tu trouves que les trois branches, les trois types de tawhid, ils sont mentionnés, ils sont réunis. Dans ce verset, on l'a trouvé. On va le voir par la suite dans surat al-Fatiha. Tu le trouves également dans surat Maryam, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'abudhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya » Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre eux, adore-le donc et sois constant dans ton adoration, dans son adoration, excusez-moi. Lui connaîtrais-tu un homonyme? Tu retrouves au début Ar-Rububiyya, tu retrouves au milieu de ce verset Al-Uluhiyya, et tu retrouves à la fin Al-Asma wa Sifat. Naam. الآية الثانية من هذه السورة العظيمة هي قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى وقد تقدم معنا أن لله تبارك وتعالى أسماء وصفات ولعله من المناسب الآن أن نتطرق لأمر مهم يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. اعلم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو متصف بها لكنها متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى من صفاته الرحمة ومن أسمائه الرحمن الرحيم، وهذان الاسمان كلاهما يدل على صفة الرحمة، لكن اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة باعتبار أنها صفة ذات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. وأما اسم الله الرحيم فهي صفة وأما اسم الله الرحيم فهو اسم آخر يدل أيضا على صفة الرحمة، لكن باعتبار أنها صفة فعل تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. لذلك يقول أهل العلم بأن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة وواصلة، واسعة وواصلة. أما الاسم الأول وهو الرحمن فهو يدل على صفة الرحمة الواسعة باعتبار أنها صفة ذات، وأما الاسم الثاني وهو الرحيم فهو يدل على صفة الرحمة الواصلة التي تصل إلى عباده متى شاء سبحانه وتعالى، فهي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم. فقد اجتمع لنا الآن أسماء ثلاثة من أسماء الله تبارك وتعالى. ما هو الاسم الأول الذي أخذناه من خلال هاتين الآيتين؟ الاسم الأول الله، والثاني الرب، نعم، والثالث الرحمن. قلت ثلاثة أربعة، والرحيم كذلك، كنت أقصد الصفات. الأسماء أربعة والصفات ثلاثة، صفات الألوهية وصفات الربوبية وصفة الرحمة وصفة الرحمة. استمعوا الآن إلى ما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في بداية الكتاب، نعم، يقول: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء. مرجع الأسماء الحسنى وصفات العلى إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية على صراطه المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لحمده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ومن خلاله يتضمن أو معذرة يتبين عظم هذه الأسماء، كما انتبهتم لذلك وفقكم الله. Le deuxième des versets, حفظكم الله، c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Que l'on traduira de manière approximative, on va tenter de traduire le sens de manière approximative, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ce sont deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui incluent l'attribut de l'ar-Rahmah. Ar-Rahmah, dans la traduction approximative de son sens, c'est la miséricorde. Et c'est un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que les attributs d'Allah, ils sont de deux sortes. Tu as des attributs qui sont inhérents à l'être. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, est caractérisé par ces attributs-là. Et tu as des attributs qui sont relatifs aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce deuxième type d'attributs, je vise par là les attributs qui sont liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils dépendent de sa volonté. Quand il veut, il va effectuer ce qu'impliquent ses attributs, et c'est donc dans ce sens lié à sa volonté. Ne va pas dire, comme certains peuvent le croire, que les attributs liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas inhérents à son être. Non, ce n'est pas ça qui est voulu. On veut juste montrer la différence. Les premiers ne sont pas liés à sa volonté, tandis que les seconds le sont. Revenons maintenant aux noms et attributs que nous trouvons dans ce verset. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Dans la traduction approximative du sens est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui inclut l'attribut de l'ar-Rahman. Autrement dit, en français, donc, la miséricorde. Le nom Ar-Rahman, il fait référence à cette miséricorde en tant qu'attribut inhérent à l'être. Alors que le nom Ar-Rahim, il fait référence à l'attribut de l'Ar-Rahma, de la miséricorde, en tant qu'attribut lié aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, dépendant de sa volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il se caractérise par l'attribut de l'Ar-Rahma, de la miséricorde. Et c'est un attribut qui est inhérent à son être. Et cette miséricorde, elle est grandiose. Elle est wasi'a, comme disent les gens de science. Wasi'a. Grandiose, immense. Et c'est ce à quoi a fait référence le nom Ar-Rahman. Tandis que le nom Ar-Rahim, dont nous avons approximativement traduit le sens par le très miséricordieux, il inclut également l'attribut de la miséricorde, mais cette fois-ci en tant qu'attribut lié à quoi ? Aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, dépendant de sa volonté. Et c'est ce qui est voulu par les gens de science lorsqu'ils disent que sa miséricorde est wasila, dans le sens où elle parvient à ses serviteurs. Et c'est dans ce sens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allaha bin nas la ra'oufun rahim » Certes, Allah est envers les gens compatissant et très miséricordieux. Dans le sens où sa miséricorde parvient à ses serviteurs. Donc rends-toi compte ici de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à nouveau, de sa perfection, de sa miséricorde. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit dans Madarij al-Salikin, au début de son livre, sache que cette sourate, elle contient la plus belle des manières et les principaux enseignements et finalités. De la plus belle des manières, elle contient les principaux enseignements et finalités. C'est ainsi qu'elle contient la définition de celui qui est adoré, Tabaraka wa Ta'ala. Et il est défini ici par trois noms. Et l'ensemble des noms, des plus beaux noms et des plus éminents attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent en vérité à ces trois noms. Et leur sens gravite sur ces trois noms. Ces trois noms qui ne sont autres que Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman. C'est ainsi que cette sourate, elle est fondée sur Al-Ilahiyya, l'attribut donc de Al-Ilahiyya, le droit exclusif d'être divinisé, que détient Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rububiyya, la seigneurie, et Al-Rahma, la miséricorde. C'est ainsi que la partie du verset Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons, est basé sur l'attribut de Al-Ilahiyya, le droit exclusif que détient Allah d'être adoré. Alors que wa iyyaka nasta'in, la deuxième partie de ce même verset, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide, est basé et fondé sur la seigneurie. Et c'est ainsi que la demande de guider sur le droit chemin est basée sur l'attribut de la miséricorde al-Rahma. Et Al-Hamd, qu'on a vu au début, on a traduit ça de manière approximative comme étant la louange. Ça englobe ces trois choses-là. C'est pour ça que tu fais les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah, duquel tu fais les louanges, il se caractérise par ces trois attributs. L'attribut donc du droit exclusif d'être adoré et d'être divinisé, l'attribut donc de la seigneurie, qui contient nécessairement l'attribut de la création, l'attribut de la royauté et l'attribut de... At-tadbir. Le fait de diriger donc l'ensemble de la création. Naam. Et également Ar-Rahma, à savoir la miséricorde. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sujet de louange du fait de son droit exclusif qu'il a d'être adoré, du fait de la seigneurie qu'il détient, du fait de sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Je pense que, à travers cette parole d'Ibn al-Qayyim, qui a mis en évidence ces sens subtils, je pense que ce sont des choses qui font naître en nous, qui nourrissent en nous l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et la peur d'Allah azza wa jal. Et justement ces trois choses-là sont contenues dans la sourate d'Al-Fatiha, comme nous allons le voir bi-ithnillah. Al-ayatu al-thalitha هي قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين ولم يبين ما هو يوم الدين في هذه الآية وإنما ذكر الله تبارك وتعالى بأنه مالك يوم الدين وبينه في آية أخرى أو آيات من سورة الانفطار كما أفاده العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره القيم المسمى بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فكثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، فهنا مثلا يقول لم يبين الله تبارك وتعالى في هذا الموضع المراد بيوم الدين وبينه في موضع آخر من كتابه، وهذا الموضع هو في سورة الانفطار، يقول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا أمر عظيم، يوم عظيم، يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. يوم عظيم ويوم الدين، والدين هنا بمعنى الجزاء، الدين هنا بمعنى الجزاء. وهنا يقع سؤال، لماذا خص الله تبارك وتعالى هذا اليوم بالذكر هنا مع أنه سبحانه وتعالى مالك سائر الأيام أيضا؟ وهذا لا شك فيه، الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين وهو كذلك مالك الأيام الأخرى. الجواب كما أفاده العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أن الملك الذي كان قد أعطاه الله تبارك وتعالى لبعض مخلوقاته في الدنيا كالذي يعطيه الله تبارك وتعالى لبعض الملوك فإنه يزول يوم الدين، ويظهر في هذا اليوم ملك الله تبارك وتعالى، ويظهر سلطانه جل جلاله، حتى إنه يقول سبحانه وتعالى في هذا اليوم لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، لا يجيب أحد، فيتولى سبحانه وتعالى الجواب بنفسه قائلا لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ففي هذا اليوم يظهر ملكه ويظهر سلطانه، وينادي الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. ويتولى الجواب بنفسه سبحانه وتعالى قائلا لله الواحد القهار. فهذا الأمر يغرس في قلب المؤمن الخوف من الله تبارك وتعالى، لأنه يستحضر عند قراءته وتلاوته لهذه الآية، يستحضر هذا اليوم العظيم يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الجزاء هذا اليوم الذي يشتمل على ما يشتمل من الأهوال والأحوال المخيفة الشديدة، يوم الدين بدءا من موت الإنسان وسؤال الملكين يا هذا هكذا ينادي هكذا يناديان المدفون يا هذا وهو في وحشة في الظلام في الضيق يا هذا ما ربك ما دينك ومن نبيك. وبعد ذلك نعيم القبر أو عذابه، وبعد ذلك البعث والعرض والصحائف والميزان والحساب وأشياء كثيرة وأهوال، والشمس التي تدنو من الخلائق وهم عراة وأهوال أخرى، وبعد ذلك الصراط وبعد ذلك الجنة لأهلها والنار لأهلها. وإن منكم إلا واردها كان ذلك على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والمراد بذلك المرور على الصراط، والناس يمرون على الصراط وهم متفاوتون في مرورهم، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يجري ومنهم من يمشي وبجنبي هذا الصراط كلانيب تخدش بعض من يمر عليه وتأخذ آخرين إلى نار جهنم، فإن هذا الصراط منصوب على متن جهنم. وأشياء كثيرة لا أذكرها. وبعد ذلك الجنة والنار، فأنت حينما تتذكر هذه الأشياء يحصل فيك خوف من الله تبارك وتعالى. لذلك قال أهل العلم هذه الآيات الثلاثة الأولى من هذه السورة العظيمة اشتملت على أركان العبادة الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، فهي أركان العبادة، والعبد دائما مع هذه الأمور. المحبة يحب الله تبارك وتعالى، وهذا مستفاد من قوله جل في علا: الحمد لله رب العالمين. وقد تقدم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما الرجاء ففي قوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وأما الخوف ففي قوله جل جلاله مالك يوم الدين. وسنرجع إلى هذه الأركان الثلاثة بإذن الله. Donc nous revenons au troisième verset de cette éminente sourate qui constitue la plus éminente des sourates du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Maliki yawm al-din » dont la traduction approximative du sens est le maître du jour de la rétribution. Maître du jour de la rétribution, le jour de la rétribution, il ne l'a pas détaillé dans ce verset, mais il l'a détaillé dans un autre. Dans la sourate Al-Infitar, comme l'a mentionné le grand savant Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, dans son livre Adwa Al-Bayan. في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. Du grand savant Mohammed Al-Amin Al-Shinqiti. Et cette exégèse-là fait partie des exégèses de référence. L'auteur, rahimahullah, il s'est attelé autant qu'il l'a pu à expliquer le Coran par le Coran, à expliquer certains versets par d'autres versets. Ici, donc, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas détaillé quel est le jour de la rétribution, mais il l'a fait dans un autre verset. Sourate Al-Infitar, c'est la sourate numéro 82, traduit donc par la rupture. Les bons seront certes dans un jardin de délices, et les libertins seront certes dans une fournaise, où ils y brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution ? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Donc tu trouves ici le détail de ce qu'est le jour de la rétribution qui a été mentionné dans ce verset de Sourate Al-Fatiha, dans le troisième verset de la Sourate d'Al-Fatiha. C'est donc un jour terrible, le jour de la rétribution, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Dans un autre verset, nous trouvons le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. C'est donc un jour terrible, un jour immense, que le jour de la rétribution. La rétribution, c'est justement le sens de Ad-Din ici. Ad-Din dans le sens de Al-Jaza. Al-Jaza, c'est la rétribution. Ici, il y a une question à soulever. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Maliki yawm al-din » « Maître du jour de la rétribution ». C'est-à-dire qu'il a spécifié le jour de la rétribution, alors qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il est également le maître et le roi de l'ensemble des autres jours. Donc quelle est la raison au fait qu'il ait spécifié ce jour dans ce verset? Le grand savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a expliqué cela en disant que les parts de royauté qu'il aura attribuées dans ce bas monde à certaines de ses créatures, elles vont complètement disparaître ce jour-là. Et c'est là que va apparaître de manière évidente à tout le monde, à toutes les créatures, la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux qui appuient cela, il y a le fait que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire « Liman il mulku al-yawm ?» À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et là, personne ne va répondre. Personne ne va répondre et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va répondre de lui-même en disant à Allah, l'unique, le grand dominateur. Ce qui te montre donc caractère terrible de ce jour-là. Et ce qui doit nourrir en toi sentiment de peur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos cœurs devraient être emplis de peur, d'effroi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu sais que ce jour-là, toutes les parts de royauté, aussi grandes soient-elles, qui revenaient donc à certaines créatures, vont disparaître. Personne ne va répondre lorsque Allah va dire « Liman il mulku al-yawm ?» À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et c'est lui-même qui va répondre à Allah, l'unique, le grand dominateur. Donc chaque fois que tu lis ce verset-là, il faut que tu te remémores cette chose-là, que tu aies à l'esprit, que tu aies dans le cœur ce qui va se passer durant ce jour. À commencer par ce qui va se passer après la mort. À commencer par les anges qui vont questionner dans la tombe le défunt en s'adressant à lui en ces termes, Ya Had, autrement dit, hé toi, imagine-toi le défunt. Et nous allons tous passer par ça. Quand on dit le défunt, c'est pas une autre personne, c'est nous avant tout. Hé toi, il est tout seul, isolé, dans la pénombre, il est serré. Quel est le Seigneur que tu adorais? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Après cela, la tombe a ses délices, mais elle a également ses châtiments. Après cela, la résurrection. Après cela, le rassemblement, les registres, la pesée des œuvres, le jugement. Et je pense des événements. Mentionne également le pont qui est dressé au-dessus de la GN, à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il n'y a pas un parmi vous qui ne va pas y passer ». Car c'est là, pour ton Seigneur, un décret inéluctable. Puis, nous sauverons ceux qui faisaient preuve de piété et de crainte révérentielle, et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est donc quelque chose d'énorme. Et après cela, le paradis, pour ceux qui sont amenés à y rentrer, dans la face de nous des habitants du paradis. L'enfer, pour ceux qui seront amenés à y entrer, qu'Allah nous en préserve. Donc quand tu lis Maliki Yawmiddin, il faut que tu fasses en sorte de te remémorer ces choses-là. Il faut qu'on fasse en sorte, il faut que nous fassions en sorte de nous remémorer ces choses-là. Que nos cœurs soient emplis d'effroi, de peur vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À travers ces trois versets, nous avons pu mentionner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons pu mentionner l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et mentionner également la peur d'Allah, qui ne sont autres que les trois piliers de l'adoration qui doivent animer le cœur du croyant lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et en tout temps, en toutes circonstances, il doit sans cesse être entre ces trois choses-là. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu retrouves dans Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes. La louange, on a dit que c'était le fait de décrire celui de qui tu fais les louanges par la perfection en l'aimant et en proclamant et en affirmant sa grandeur. L'espoir, il est contenu dans Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et enfin, la peur qui est contenue dans Malik Yawm al-Din, maître du jour de la rétribution. Et nous aurons l'occasion, bi-ithnillahi ta'ala, de revenir à ces trois points plus tard, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Et je pense qu'on va s'en tenir à cela pour l'instant. Et on continuera donc avec le restant de la sourate, en espérant avoir un peu de temps pour aborder les grands enseignements à retenir de cette sourate. Ça va nous permettre de revenir sur pas mal de choses qu'on a mentionnées et d'en approfondir certaines. Et si nous n'avons pas l'occasion de le faire, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une autre occasion afin de concrétiser cela. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين